Est-ce que l'écoute de certains opéras de Wagner, comme Parsifal, peut aider à développer chez soi, par imprégnation, les hauts idéaux de la chevalerie? Ça peut développer la voix. L'écoute, Louis aussi. Oui, Louis aussi. On va faire une conférence prochainement sur la musique, justement, et les relations que ça peut avoir avec l'humain. On parle de guérison, on parle aussi d'un paquet d'autres choses. Si oui, si... Ça dépend énormément de l'individu. Non, si la personne a des traits réincarnatifs très attachés à cette chevalerie-là, oui, à cette épopée-là. Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres, une personne, ça ne réveillera pas la mécanique du chevalier Bayard ou ces choses-là. Donc, ça dépend énormément des canaux réincarnationnels de la personne. Si oui, donc si c'est ce genre de personne-là, y a-t-il une façon, une technique spéciale de l'écouter pour en tirer le maximum? Normalement, avec les oreilles propres. Non, il n'y en a pas. Pour pouvoir, par exemple, arriver à... Vous savez, la musique, c'est une onde, c'est une vibration et c'est un art. Alors, on va en parler justement lors de cette conférence sur la musique. Ce qu'on a simplement à savoir, c'est qu'il y a une recette et on doit comprendre la cuisine. Si on comprend la cuisine musicale, on va être capable de se faire sa propre recette énergétique. Ben, c'est de ça qu'on va parler. Alors, on parlait au niveau de la guérison, mais ça peut servir au niveau de l'élévation de n'importe quel corps, qui est finalement une guérison des corps. Alors, il y a une façon de commencer, il y a un morceau qu'on met là, il y a une façon de découvrir lequel qui va suivre, s'il y a une pause en blanc, s'il y a ceci, s'il y a cela. Donc, c'est pas nécessairement en prenant l'opéra de Wagner, on met le disque, et puis on écoute de A à Z, c'est pas nécessairement l'idée. Il y a des façons de procéder pour à peu près n'importe quel objectif, et il faut connaître la cuisine énergétique pour être capable de placer les choses convenablement. Quand on fait un mariage, par exemple, on appelle ça, il y a une tradition, il y a un rituel. Pourquoi? C'est toujours la même chose, dans tel ordre. Faites-le différemment, puis ça va broyer moins. Bon. Il n'y aura pas non plus la même soudure. Il n'y aura pas les mêmes choses. Parce que le rituel est à peu près inchangé depuis quelques milliers d'années, enfin des centaines et des centaines d'années, il n'est pas nécessairement ou plus nécessairement ajusté au monde d'aujourd'hui, ce qui fait qu'on aura peut-être probablement plus de divorces à un moment donné. Il n'est plus aussi puissant. N'empêche, il y a aussi des égrégores particuliers, mais il y aurait par exemple intérêt à être reformé dans sa structure. Alors, il faut être un magicien de la musique, un cuisinier au niveau de l'énergie, pour pouvoir dire à une personne, eh bien, vous marchez à tel rythme, dans telle fois, vous vous arrêtez là, vous attendez ceci, on fait jouer 4-5 cloches, ça élimine les parties noires de l'Église catholique, on fait sonner les cloches, on va faire ceci, on met telle musique, etc. Bon, mais ça, c'est une cuisine. La même chose ici, pour aller chercher des particularités, c'est une cuisine. Alternativement, pendant la journée, je sens entre les deux omoplates des picotements. Qu'est-ce qui engendre ce phénomène? Bon, si on doit s'arrêter sur chacun des petits phénomènes que l'humain va connaître et que certains connaissent déjà, on n'en sort plus. Ce que la personne ici doit comprendre simplement, c'est que il faut simplifier la vie. Si moi j'aurais des picotements entre les omoplates, je me gratterais sans corde de porte. Et si ça revient sans arrêt, je ne me poserai pas nécessairement de questions, mais il faudrait que ça revienne assez souvent. Et là, il faudra vérifier certaines choses. L'heure. Est-ce qu'il y a une heure particulier? Est-ce que c'est quand on mange certaines choses? Est-ce que c'est quand on a un certain stress particulier? Est-ce que c'est un... Bon, il y a des petites choses qu'il faut vérifier sans nécessairement immédiatement vérifier, poser des questions particulières à d'autres personnes. Parce que ça dépend tellement du cadre et ça dépend en même temps de la conscientisation de l'individu. Alors, ça dépend donc de tellement de facteurs que finalement, c'est à peu près pas possible. On peut le faire. Je pourrais parler à Yves, par exemple, qui pose la question. Puis lui, mais sauf que ce que j'aimerais, c'est que lui développe beaucoup plus une simplicité devant des événements. Si on commence à faire ça, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que chaque personne va finir par être totalement assujettie. Alors, je savais, bon, maintenant, ça me pique dans le dos, c'est réglé, mais là, ça me pique sur l'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me fait... Bon, on doit être capable d'assumer une grande partie de son ascension. Et nécessairement, il y aura des symptômes particuliers. Mais est-ce que c'est sa digestion qui fonctionne mal? Est-ce qu'à un moment donné, il y a un émetteur-récepteur qui se met en fonction dans les temps où ça y pique justement dans le dos? Donc, c'est les ondes hertziennes qui viennent l'achaler. Est-ce qu'il y a des choses que l'humain doit fouiller un peu chez lui? Et d'observer en même temps au niveau de son stress? Parce que si on dit à quelqu'un, c'est parce que tu es trop stressé de telle ou telle affaire, et, ah, ça règle son problème. La problématique, c'est que le stress, c'est quelque chose qui apparaît chez lui, qui est un signal d'alarme. Si lui apprend à décoder le stress, quand il va se transposer, parce que quand on pense régler un problème avec quelqu'un d'autre, le problème disparaît et se transpose. Et avant qu'il réapparaisse, ça peut prendre un bout de temps. Alors la personne, finalement, elle n'a pas été aidée. Elle a été améliorée pendant un laps de temps, puis après, c'est à recommencer. Donc, il faut qu'elle apprenne à travailler d'elle-même. Comme là, entre les épaules, ces choses-là, elle devra observer différents phénomènes. Même, mettons, elle dirait, ben c'est pas mon alimentation, c'est pas ça. Cherche donc chez toi, qu'est-ce que c'est? D'où provenait le talent exceptionnel d'hommes tels que Mozart et Michel-Ange? Est-ce que ça provient d'expériences accumulées des vies antérieures dans le même domaine? C'est original, parce que Michel-Ange, moi, je l'ai jamais aimé. Parce qu'il y a des parties de mémoire que je réincarne, mais c'était pas Michel-Ange. C'était son concurrent. Pourtant, Michel-Ange, bien, bien correct. Mais il m'a jamais aimé. C'est qu'on s'est jamais aimé à l'époque. Bon. C'est très différent au niveau des contacts. Michel-Ange était en contact avec un esprit mère de l'Église. Et Mozart était en contact avec les sphères célestes. Mozart était tellement limpide, tellement transparent avec lui-même. Vu qu'il n'avait pas de conscience, il n'a pas pu gérer convenablement sa transparence. Mais il était capable de recevoir même de l'information supramentale et le laisser carrément passer dans la mécanique musicale. Alors, Mozart était un être qui, biologiquement, était en contact avec les sphères célestes, c'est-à-dire l'endroit où, normalement, l'information décodée par le cerveau humain sort en musique. Alors que Michel-Ange, lui, était relié à des esprits mères de l'Église, et il était donc en contact avec un esthétisme hautement spirituel de l'Église catholique. Il exprimait... Dans ce qui est d'ailleurs Michel-Ange, le nom, tu sais, l'ange Michael, il exprimait à travers ses sculptures, à travers ses peintures, à travers un paquet de choses qu'il a fait, une grande partie de l'Église, que Léonard de Vinci, d'ailleurs son concurrent, n'a pas réussi à faire convenablement, parce que Léonard de Vinci était beaucoup plus en contact avec l'esprit supramental, le phénomène supramental, qu'avec le phénomène de l'Église. Donc, Léonard de Vinci, à travers même ses frais, ses peintures religieuses, théologiques, il essayait toujours d'exprimer de la science. Alors, il y a énormément de fois où il a perdu justement ses contrôles, où il a été carrément... il a perdu sa renommée parce que ses trucs scientifiques... Il ne pouvait pas astraliser ce qu'il y avait comme information. Non, pas autant. Il a fait, par exemple, une peinture intéressante où on voit, c'est l'une des plus connues, Léonard, où on voit Jésus qui est à la table avec ses 12 apôtres. Puis le monde, il se pose toujours la question, comment ça se fait que les 12 apôtres sont tous d'un côté de la table? Parce que Léonard ne voulait pas qu'on les voit de dos. Fait qu'ils sont tous groupés sur un côté. Et là, après ça, tu peux vérifier que si tu regardes les yeux du Nazaréen, bon, il regarde quelque part. La façon dont les mains sont placées, si tu traces un triangle à partir de telle place, ça va couper Judas, ça va couper... bon, c'est uniquement ésotérique et uniquement mathématique, sa peinture. Quelqu'un qui est mathématicien, il va voir immédiatement un paquet de formes, de triangles, il s'est amusé là-dedans à mettre en cours de la science. Alors que dans d'autres fois, il y a une fois, entre autres, c'est une immense muraille qu'il devait faire. Et pour la faire sécher plus vite, il a essayé différents trucs dans la peinture. Alors, il a mis des feux à côté, au fort. Au fur et à mesure qu'il peinturait, il y avait du monde qui tenait des emmanchures de trucs faire sécher. Ça n'a pas coulé, ça n'a pas séché, ça a coulé. Il a manqué son coup. Toujours en train d'innover au niveau de la science. Michel-Ange, lui, c'était un artiste beaucoup plus pur que Léonard de Vinci, qui lui était un terrestrificateur d'intelligence, alors que Michel-Ange était un artiste beaucoup plus pur, lui est en contact directement avec les sphères, avec une haute entité de l'Église. Alors il peut communiquer ce que, émotivement, l'Église voulait vivre. On lui disait, dessine-nous une Marie qui va nous plaire. Mais la Marie qu'il faisait, elle plaisait, en maudit. Il était capable d'exprimer exactement ce que l'Église avait besoin. La longueur du nez, est-ce qu'on voit un trou ou pas de trou, la tête est penchée comment, regarde d'où le bébé est comment, es-tu gros, es-tu pas gros, parce que dépendamment des besoins émotifs des humains de l'Église de l'époque. Michel-Ange s'est connecté différemment. Mais toutes les opérations que tu as eues, pourquoi ne les as-tu pas guéries supramentalement? Mais voyez-vous, ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, c'est ce qui est arrivé. Bon, on peut prendre le terme que l'on veut. Ce qu'on doit simplement comprendre, c'est exactement comme si on disait à quelqu'un, écoute, tu es un être humain très intellectuel. Alors, comment ça se fait que tu n'as pas été capable de faire la soudure après ton camion, là, avec ton intellect? C'est que l'intellect est extrêmement puissant, mais sa longueur d'onde ne peut pas faire de soudure. Par contre, l'intellect va être capable, avec le plan astral, le plan vital et le corps physique, d'inventer une machine à souder qui va faire la soudure. Il faudra encore un intellect pour savoir où on va souder. Donc, l'intellect, finalement, est celui qui va souder. Mais par le biais de mécaniques qui vont être et qui auront été créées par l'intellect et qui, normalement, sont inférieures du point de vue de l'expression. Si, à un moment donné, il y a une énergie particulière qui m'habite et qui décide, de toute façon, c'était prophétisé, je savais depuis tellement, depuis très très jeune, puis chaque fois que j'ai rencontré par hasard, oui, certains, oui, par hasard, un cartomancien, un horoscopiseux, comment on appelle ça, un astrologue. Et chaque fois que j'ai rencontré un individu, il y en a tellement qui se sont fait un plaisir de me tirer ou de me faire une carte du ciel sans que je leur demande. Et tout le monde s'entend pour dire la même chose. Tu sais, attends-toi à... Bon. Quand je parle d'opération, c'est de l'énergie supramentale qui a été capable de venir bouger l'énergie vitale de mon corps physique et de la matière qui m'entoure. Et ça a créé l'opération. C'est la même chose. La personne, ce qu'elle va dire, c'est pourquoi toi, par exemple, ne t'assois-tu pas et que ne commences-tu pas à cicatriser? Ça peut se faire. Ça se fait. Je l'ai fait souvent. Dans ce cas-là, je ne pouvais pas le faire parce que j'avais les deux mains liées. Et liées par quoi? Liées par des mécaniques qui m'habitent ou des mécaniques qui ne m'habitent pas. Bon, comme on voudra les dire. Par des mécaniques qui avaient un intérêt marqué à ce que je me réveille un peu plus vite face à certaines choses. Cosmiquement aussi, on peut dire que ça n'aurait pas fait passer la nuit debout aux apôtres. Si l'événement ne s'était pas produit, ça n'aurait pas fait réaliser d'autres choses à d'autres personnes. Puis par c'est évident que c'est passé cette nuit-là, énormément de choses chez énormément de gens. Il y en a qui se sont réveillés dans plein milieu de la nuit en broyant. Il y a des gens qui ne me connaissent presque pas, qui ont appelé le lendemain pour savoir si, s'est passé plein de choses. Il y a énormément de personnes qui finalement ont découvert plein de choses, sans compter effectivement d'autres qui ont bougé. Et ça fait partie de toute façon de ce que j'ai à vivre comme initiation en 91, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être finies, sinon ça va être fini. Donc on s'est arrangé pour finir les choses à la place. Et ça fait partie de, exactement dans le genre... Vous avez des contacts, faites attention, j'allais dire, mais disons, faites pas attention, mais comprenez que, c'est moins épeurant. Vous avez des possibilités et vous travaillez toujours avec ces possibilités-là. Ben, à un moment donné, on va vous attacher toutes les mains de ces possibilités-là et on va vous dire, voilà, il y en a une autre chez toi qui veut germer, qui est là. Ben là, voilà, tu n'as jamais développé tes oreilles, maintenant on t'ôte les yeux et marche. Ben, tu tapes le nez un peu. Tu n'as pas le choix. Alors que normalement, ce qu'on va vous dire avant, c'est de temps en temps, pratiquez-vous donc sans vos yeux. Pour développer les oreilles. L'humain va se dire, ben oui, mais je ne serai jamais aveugle. C'est pas en cas que tu sois aveugle, c'est pour développer tes oreilles, ça va te servir. Mais comme l'humain, des fois, ne s'entraîne pas suffisamment, Si l'humain a une importance ou une utilité de plus en plus, disons, grandiose au niveau de certaines choses, ben, à un moment donné, on va vous ôter les yeux. On va vous les remettre, on vous les ôte là. Fait que là, maintenant, on ne te demande pas de pratiquer. On te laisse. Ben voilà. Alors moi, j'ai été obligé, en ayant les mains attachées face à certaines choses que je peux faire facilement, de développer quelque chose que j'ai toujours fui. Parce que si je le développe, ça va m'amener... C'est ce que mon ego croyait, même si moi je savais que c'était faux, c'est que mon ego avait peur qu'en développant ça, ça m'amènerait à vivre une vie que j'ai déjà connue, pas une fois, plus qu'une fois. Et ce que je ne veux pas. Et maintenant que j'ai été obligé d'aller chercher, d'ouvrir de nouveaux créneaux, l'ayant les mains attachées dans le dos, donc je n'ai pas pu faire comme j'aurais fait et comme j'ai fait souvent, uniquement pour ça. Maître et Sri Aurobindo ont-ils atteint la fusion avant de quitter ce monde? Et non. Aurobindo n'a pas pu se fusionner parce que son corps physique ne le lui permettait pas. Et Maître non plus. Ce sont des personnages qui sont... Présentement, Aurobindo et Maître se sont rejoints dans le monde, dans le plan moroncial. Ils ne sont pas morts en ce sens qu'ils n'ont pas gagné le monde de la mort. Et ils ne sont pas encore réincarnés. Il y a des particularités d'eux qui sont réincarnés à travers certaines personnes. Mais Maître et Aurobindo, tels quels, ne sont pas réincarnés encore. Ils attendent simplement ils sont rusés. Ils attendent que l'an 2000 et quelques années soient passées avant de s'incarner. Eux, ils ont fait un travail tellement parfait avec ce qu'ils avaient, comme outil, leur corps physique, qu'ils se sont créés. Ils ont travaillé comme moi, je ne veux pas enseigner. C'est qu'eux se sont créés un monde particulier, un réceptacle dans le plan vital, dans le plan moronciel, entre le monde de la vie et le monde de la mort. Et lorsque le corps physique est parti, ils avaient préparé leur monde, leur mort souvent. Ils avaient travaillé longtemps à aller dans cette sphère-là. Ils l'ont visité, ils l'ont préparé, ils l'ont organisé. Quand Aurobindo est parti, Maître a continué à faire une partie de son travail ici. En réalité, Aurobindo et Maître continuaient à travailler ensemble, à faire le travail. Et quand Maître est parti, son corps est resté cristallisé un grand bout de temps. Et Maître est parti le rejoindre lui. Et présentement, ils sont plus ou moins en fusion ensemble. Ils n'ont pas fait une fusion dans le sens d'obétérique corps physique. Et ils attendent qu'ils fassent moins... Ils laissent passer les tempêtes. C'est ça. Je sais que je ne fais pas ce que j'ai à faire. Qu'est-ce qui m'en empêche? Et c'est ce genre de grandes questions-là qui déroutent tout le monde. Je sais que je ne fais pas ce que j'ai à faire. Premièrement, la question qu'on peut se poser, c'est que peut-être que vous faites exactement ce que vous avez à faire, mais vous aimeriez faire autre chose, puis vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire ce que vous aimeriez faire. Alors, vous dites, je sais que je ne fais pas ce que je devrais faire. Quelqu'un va dire, moi, je devrais arrêter de fumer. Et s'il arrête de fumer, ils sont plus capables de supporter le contact avec l'intelligence. Il va toujours être des nuages, il va être colérique, il va être malade, il va être fou braque. Alors il fume pour se terrestrifier, là il peut mieux supporter. Puis lui il va se dire, je sais que je devrais arrêter de fumer, donc je sais que je ne fais pas ce que je devrais faire. Alors qu'il fait probablement exactement ce qu'il devrait faire. Je dis souvent que l'humain ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Et c'est vrai. Mais vous devez comprendre une chose aussi, c'est que progressivement, il y aura une transition. La transition, ça veut dire que chez vous, va se développer des mécaniques qui vont vous permettre d'entrer en contact avec de nouvelles visions. Et ces nouvelles visions-là vont finir par vous imbiber jusqu'au jour où elles vont vous hanter. Et là, le gros de la problématique, c'est qu'on est maintenant dans une sphère où on aimerait travailler, où on aimerait aller. Puis tout le reste de la mécanique planétaire, elle n'a pas bougé encore. Le corps physique n'est pas prêt à suivre. Puis même si vous l'amenez là, ils ne seront pas plus prêts à suivre. Le corps vital n'est pas prêt à suivre. Le corps astral, c'est lui qui est le foutrement moins prêt à suivre. Dernièrement, lors d'un PMC+, on a fait des exercices particuliers, des exercices physiologiques, où on vérifie la qualité de l'ego. Alors, on pose une question à une personne, c'est très, très simple. Bon, penses-tu que toi, tu veux réellement faire le projet que tu es en train de bâtir? Bien sûr! Puis là, on vérifie 30 secondes après, là. Puis là, maintenant, on dit à la personne, tu vois, tu travailles totalement contre ton projet. Mais qu'est-ce qui... C'est toi qui travailles contre toi. Mais dans ta tête, c'est clair que tu veux le faire, oui. Mais au niveau du plan astral, vital et physique, tout ça travaille contre. Il y a des personnes qui veulent maigrir. Vérifions. Travaille contre. Il y en a qui ont mal à une épaule, par exemple. Tu peux vérifier. Jamais leur ego, jamais une grande partie d'elle veut guérir. Ah, jamais! Alors là, il y a une mécanique à chercher. Il y a un travail à faire. La personne, c'est la même chose ici. Ce qu'on doit donc comprendre, c'est que tant qu'on a de l'ego, il y a une partie qu'on appelle l'anxium qui va travailler contre tout ce que vous voulez faire. Et plus ça va être supramental, disons, plus ça va être intelligent et esthétique, aristocrate et chevalier, plus votre ego va travailler contre vous. Le mien a travaillé contre moi pendant tellement d'années, uniquement parce qu'il avait peur. Mais là, on peut lui expliquer. Prenez un enfant, vous le rentrez dans un chenil, plein de chiens qui ont les gros sorties, etc. Puis vous dites à l'enfant, regarde, ils ne toucheront pas. Puis c'est sûr qu'ils ne toucheront pas. Puis vous le savez qu'ils ne toucheront pas. Mais vous avez beau lui dire, la peur va rester. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment donné, dans le cheminement de la conscientisation, la tête apprend, la tête avance, contact supramental se fait, une deuxième tête commence à naître, tout est parfait. Puis tout le reste, lui, ça ne va pas passer. Ça ne passera pas tout de suite. Il faudra travailler pour comprendre. Puis il faudra à un moment donné vivre une initiation pour purger l'anxiété. Alors la personne, c'est ce qui va arriver. Tout à l'heure, quand je dis « vous êtes dans la forêt », vous voulez simplement crier ou appeler X, Y, Z, vous ne pouvez pas. Ça fait partie, ça, des mécaniques qui sont à l'intérieur de nous. Et vous savez qu'il y a le mental et qu'il y a l'ego. L'ego, ça fait partie de l'être humain absolu. C'est de l'énergie qui a permis la création d'une charpente. Et même à un moment donné, on n'a plus besoin de cette charpente-là. Elle est trop rigide. Mais elle fait partie de nous. Alors, on doit travailler maintenant à la négoïsation, à la transformation de la charpente en quelque chose d'autre. Mais ça, il faut le faire. Et le faire, c'est pour le dire, parce que le mental va dire, « Ah, moi, je veux bien. C'est bien beau. Le faites-vous. » Il faut le faire. Le faire, ça veut dire le faire. Quand le prêtre vient me voir, puis qu'il me demande quelque chose, puis que je ne peux absolument pas, puis que finalement, je dois quand même y aller, je me négoïse. Mais il y a un paquet de dangers dans l'astral. Quand il est sorti, je pourrais me dire, hey, je l'ai eu. Je viens de m'égoïser. Mon égoïsation vient d'être perdue. Donc, je n'ai rien fait finalement. Ça ne valait même pas la peine que je le fasse, je n'ai rien fait. Alors, la personne, elle, il y a plusieurs choses, évidemment, qu'elle aimerait faire. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est la partie anti-homme qui nous habite. Donc, c'est les 95% de l'ego. Et on doit considérer que c'est une partie de nous. Mais moi, le mental, ou moi, le plan supramental, moi, l'esprit, je sais ce qui doit être fait. Mais c'est exactement la même chose que vous dites à quelqu'un, bon, moi, je sais ce que l'on devrait faire. Puis j'ai beau essayer, ça ne marche jamais. Mais non, parce qu'il y a vous là-dedans. Alors, s'il y a vous là-dedans, vous devrez aussi m'en donner à être suffisamment ajusté à ce que je veux faire. Je donne un exemple. Si votre mental veut faire quelque chose, bien, il y a l'ego là-dedans. Alors, l'ego devra maintenant être suffisamment ajusté à ce que vous voulez faire. Il va cesser de nuire. Puis, à l'instant où on est suffisamment égoïque, non seulement on ne sait pas ce qu'on a à faire, mais là, pour la première fois, on le fait sans souffrance. On accomplit les choses. Bon, la personne et les individus qui, à un moment donné, justement, savent énormément au niveau de la tête, qu'est-ce qui les embête, ce qui se passe au niveau du corps physique. C'est toujours aussi simple. Très, très, très simple. Une personne, je prends une personne ici dans la salle et je lui dis, lève-toi debout sur ta chaise. Il n'y a rien de plus qu'éteint. Et tu te lèves debout sur ta chaise. C'est niaiseux. Et probablement que la majorité ici, si on les prend, là, un, là, ou une, ne pourra pas le faire. S'il fait, il va-tu se sentir niaiseux? Ah, va-tu se sentir ridicule? Elle se juge comme elle pense qu'on la juge. Mais c'est ça, l'anti-homme. C'est ça qui, chez l'humain, l'empêche d'avancer. C'est très simple. C'est très, très, très simple. En face de soi, on a peur. Ou on va se faire croire des choses. Et si on se fait croire des choses, on aura peur d'aller se faire confirmer. Imaginez, à un moment donné, que vous pensez que vous êtes Marie-Madeleine pure. Êtes-vous sûr? Marie-Madeleine pure? Oui. Là, après. Vous êtes sûr? Et là, j'allais dire, tiens, allez voir Daniel Kahn pour lui demander si je suis ça. Vous allez voir que vous ne viendrez pas. Puis si vous voulez, puis je vous dis non, qu'est-ce qui va se passer? C'est la même chose pour moi. Moi, je vais aller voir un paquet de personnes, savoir ce qui je suis, etc. Bon, je m'en balance, là, tout ce que j'ai réincarné, j'ai digéré, donc je ne sais plus. La personne, elle, vit avec son anti-homme, puis son anti-homme l'empêche de bouger. Puis quand je parle de négoïsation, c'est toujours sur l'anti-homme qu'il faut jaser. Première chose qu'il faut faire, c'est se développer mentalement. Deuxième chose, c'est de discerner entre le mental et l'ego, et l'astral, donc et l'anti-homme. Troisièmement, c'est être capable de reconnaître la spontanéité chez soi, chez nous, donc le contact avec l'intelligence. Quatrièmement, j'ai déjà dit, il faut qu'on parle, il faut qu'on l'exprime. C'est de l'eau, c'est un robinet d'eau chaude. Puis quand on ouvre le robinet d'eau chaude, c'est de l'eau froide qui sort à bout de temps. Puis jusqu'à temps que l'eau chaude arrive. Puis comme les humains, eux autres, ils veulent de l'eau chaude tout de suite, l'eau froide coule, puis là, ils se disent, ah, ça marche pas. Ils ferment le robinet, puis ils se disent, on va attendre que l'eau chaude arrive. Puis un an après, ils rouvrent le robinet, ils mettent la main en dessous, ah, c'est encore froid, ils referment encore. Bien, quand vous prenez votre bain, là, l'eau froide de sortir avant que l'eau chaude arrive. Donc, s'autoriser à être con, apparemment. Mais qui va vous juger? Seulement vous autres. Oh, mais l'autre, le cave là-bas, il pense que je suis niaiseux. Tu te fies un cave, ça va à ce que t'es. Bon, alors, il n'y a aucun danger, même si autrui ne juge que ça peut bien faire. Combien de fois vous avez paru stupide devant des individus? Là, je ne vous parle pas des fois que vous savez, là, je parle de toutes les fois que vous ne savez pas. Puis qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Foutrement rien. Il y en a un moment donné qui s'est mis un beau chandail vert. Il n'y a rien de pire qu'un un chandail vert. Puis il s'en va tout fier avec son chandail vert. Puis tout le monde le regarde en ayant. Oui, les gars, des fois, ça fait des Kleenex. T'sais. Puis la personne est fière, elle est correcte. Tout le monde la regarde en la jugeant. Puis qu'est-ce qu'elle a changé dans sa vie? Absolument rien. Mais s'il a fallu qu'elle sache que le monde la regardait en la jugeant, oh, elle aurait changé le chandail. Puis ça l'a ramené où? Tout le monde pas. C'est uniquement ça. Qu'est-ce qui fait que la personne a de la difficulté à bouger? C'est elle. Mais quand je dis elle, c'est pas au niveau du plan mental, ce sont des parties qui sont mémorielles et réincarnationnelles. Donc, elle, j'ai fait. Pour quelle raison il fut un temps où tu étais froid, sec et cassant, il a même purifié Marie-Madeleine, et cassant avec les gens, et maintenant tu dégages plus de rayonnement et de joie spontanée? Explique ce changement. C'est très simple, je l'ai expliqué tout le mois. Premièrement, il y a une grosse partie de ce qui limitait chez moi l'expression d'une grosse partie de mon intelligence qui est partie. Mais c'est pas complet. Et ça explique tout, finalement. Premièrement, j'ai un contact avec le plan supramental depuis très, très jeune. Mais j'ai toujours un contact avec le plan bouddhique, celui de la gratuité. Les gens appellent ça de l'amour, mais c'est en tout cas, le concept de l'amour est extrêmement bafoué sur la planète, là, on parlait d'autres choses. Et l'intelligence qui a du cœur peut s'exprimer à un moment donné quand chez l'individu, il y a des mécaniques qui ont été placées là qui sont éliminées. Et c'est la même chose pour n'importe qui. On pourra en parler longtemps, mais je vais parler de certaines choses qui touchent tout le monde. Plus la semaine prochaine avec ma première rencontre avec moi-même, ça va être plus... Depuis 6 semaines, il y a dans ce que tu dis un plus grand amour de l'humain. Je prends davantage conscience du médiocrisme en moi. Comment en vient-on à s'aimer soi-même? Alors ça, c'est toujours un truc intéressant, ça. Plus tu dis aux gens qu'ils sont corrects, et plus ils se détestent. C'est logique. Parce que si, vous savez, ce que j'ai vécu, vous le vivez probablement tous. Chacun à son niveau, chacun à sa façon, chacun avec ses couleurs, puis chacun avec ses formes. on fait des parallèles. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, quand je vous parle, par exemple, de mon premier contact avec différentes choses, c'est pas de moi qu'on parle, on me prend comme exemple. Bon, mais on parle de vous, on parle de nous. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne, bon, se sent plus médiocre. Pourquoi? Et ça, c'est un gros problème. Qui a fait souvent que moi, je me suis limité à exprimer certaines choses et que je n'ai pas encore réglé. Les gens voient tellement déjà qu'ils ont un long chemin à faire pour plusieurs. Alors moi, en me limitant dans l'expression, ça fait croire aux gens qu'ils n'ont pas si long à faire. La journée que je vais exprimer de plus en plus, les gens vont voir le chemin s'étendre de plus en plus. Et il y a une chose que j'ai toujours dite qui est totalement réelle, c'est pas la distance qui est importante, c'est la vitesse de déplacement. Alors c'est sûr qu'en étant froid, ou en étant ceci, ou en étant cela, je suis là. En étant pas mal plus moi, je suis là. Mais pour les gens, ils se disent, ah ben non, moi je suis déjà que je t'assure que j'arriverai jamais, ben là j'arriverai plus. Alors la personne, elle voit différents changements, et ces changements-là font qu'elle se voit de plus en plus basse. Ou qu'elle ne voit de plus en plus haut, mais c'est la même chose. Et ça, c'est une chose, c'est que j'ai... Vous savez, quand on dit, bon, j'étais froid, etc., là, j'aime plus l'humain. Non, j'ai tellement aimé l'humain que j'ai préféré tout cacher ce que j'étais de façon à ce que ça dérange personne. Puis là, je suis rendu à un point où je peux plus. Fait que, j'ai pas le choix, moi non plus. Et ce qui va arriver, il va arriver que tout va être mieux. Mais il y a des mécaniques qui étaient convaincues que tout serait pire. Alors la personne ici, comment parvenir à s'aimer soi-même? On va en reparler suffisamment. Je ne vous irai pas là comme ça à soir, parce que vous vous aimez. La personne, en tout cas, elle ne s'aime déjà pas suffisamment pour m'écouter convenablement. Alors on va en reparler en masse. Toutes les structures qu'on a parlé dans le passé servent à ça. Il y a beaucoup d'outils, vous savez, qui peuvent servir. Un tournevis, ça peut servir à visser des vis. À un moment donné, on parle de faire un trou dans un mur de plaque au plâtre. Une jupe-proc, bon. Et le tournevis peut servir aussi. L'outil, on l'a déjà. Il y a énormément d'outils que vous avez déjà qui peuvent servir à telle chose. Puis subitement, on se rend compte que, ah, il y a une affaire là-bas. On a l'outil déjà. Attendez pas que quelqu'un vienne toujours vous dire. On a l'outil, on doit innover. Puis l'innovation chez soi pour régler les problèmes fait partie de la plus grande chose au niveau de l'ascension. Parce que c'est pas de visser une vis qui est important, c'est de découvrir qu'elle doit être vissée et de découvrir qu'on peut la visser. C'est ça qui est l'ascension, pas la vis. Question facile. Ah, une grosse réponse compliquée. Qui a créé l'univers? C'est pas moi, non coupable, je vous le dis tout de suite. Qui est Michael? J'ai fait quelques conférences sur les origines de l'univers. C'est surtout ce genre de questions-là, on va en parler surtout dans les conférences réservées aux séminaristes, parce qu'on n'a plus de temps, puis on a un langage qui a été adapté au niveau du séminaire, qui nous permet de sauver des temps d'explication. Bon, c'est un peu long à répondre ce soir. On doit comprendre que quand on parle d'univers, l'univers est très petit. Les astrophysiciens commencent à penser qu'il y a peut-être plus qu'un Big Bang à la fois, ailleurs. L'univers, c'est une mécanique qui baigne dans un super univers, qui lui baigne dans une mécanique réactivée. Et quand je parle de réactivée, cela veut dire que la première action de notre continuum a été la création. Tout le reste est réactionnel et en découle. Donc, je ne parle pas de création, je parle de création. Et c'est pourquoi je parle de créactivation, donc de monde créactivé. Donc, si on parlait de qui a créé l'univers, il n'y a pas de qui, c'est très long. Il faudrait qu'on parle des mécaniques qui sont pré-universelles ou pré-créactionnelles. Et encore là, ça fait surtout partie de conférences qui sont de plus grande envergure que ce que je veux donner aux conférences régulières du vendredi. Et ça n'a rien à voir avec les oreilles qui écoutent, ça a simplement à voir avec le temps, surtout, qui m'était loué pour parler. Viens ici. Qui est Michael? Ah, c'est une question qu'il faut que je réponde. Oui, c'est ça. Michael, c'est un paquet de choses. C'est un concept. Ça, c'est une bonne réponse, c'est un concept. Ça permet de... Tu peux répondre quasiment n'importe quoi avec ça. Oh, d'accord. Et Michael. Alors, on pourrait dire Michael, c'est un personnage hautement énergétique qui fait partie de l'effusion à travers la création, c'est-à-dire qu'il a été obligé à se terrestrifier, il a perdu un peu d'énergie, il est descendu, et à un moment donné, Michael a décidé, on parle toujours, on fait une personnification, parce que ce n'est pas un personnage comme nous on le conçoit, mais présentement, je le dessine comme un personnage que nous on peut concevoir. Michael décide à un moment donné de descendre à travers une partie de lui-même, donc on pourrait dire à travers des mondes qu'il a créés. Et les mondes qu'il a créés sont des mondes dont il a régi la création. La Terre en est un. Michael a été un créateur de mondes refroidis, donc des mondes dans lesquels les énergies, lorsque les énergies descendent, elles deviennent extrêmement terre-à-terre, terrestrifiées, elles deviennent matière. Alors, Michael, à un moment donné, a décidé de descendre, de visiter certains des mondes qu'il avait créés, donc des particularités reliées à son énergie. L'un de ces mondes est la planète Terre. L'effusion michaélienne que l'on connaît est celle qui est arrivée ici il y a de cela un peu plus de 2900 années, et il a traversé la brume du monde de la mort pour aller rejoindre le corps physique de deux enfants. L'un s'appelait Jean, l'autre s'appelait Jésus. Et par la suite, il a choisi l'un des deux corps après avoir donné des instructions à l'autre. Alors, Jean est devenu le précurseur, il est un peu plus âgé d'ailleurs, et il a préparé le terrain de Jésus. Et par la suite, donc, Jésus a fini par s'entendre avec Michael. Et quand on parle de Christ ou d'énergie supramentale, c'est la même chose, c'est la fusion michaélienne. Et par la suite, il y a eu donc Jésus-Michael, Jésus-Christ, qui l'a laissé sur la croix un peu plus tard. Alors, Michael, ce n'est pas un archange, c'est une mécanique de hautement supérieure, et on peut en parler. Si tu aurais des questions, on pourrait s'amuser à en parler un peu. On peut finir les autres questions et revenir un peu sur Michael. C'est très long, évidemment, c'est tout ce qu'on peut compter là-dessus. On va y revenir, je m'en rappelle. Dans la mémoire de ces questions-là. J'ai peur de commettre à nouveau les mêmes actions négatives de certaines mémoires noires que je réincarne. Elles m'incitent à l'action et me retiennent en même temps. J'ai peur de ma force. Quoi faire? Bon. Il y a des grosses questions qui se répondent difficilement parce que les mécaniques honnêtes pour aider quelqu'un qui est rendu dans certains cul-de-sac de la conscientisation chez certaines parties de lui, parce que les personnes arrivent rarement dans la totalité dans un cul-de-sac, mais à un moment donné, il y a une partie d'elle qui est dans un cul-de-sac, ça ne marche plus. Le reste, ça va. Puis la partie cul-de-sac, bien, elle peut prendre énormément de temps et d'énergie. Mais, pour être honnête dans une réponse pour aider ces individus-là, il faudra encore attendre quelques mois. En attendant, on peut donner des explications que la personne pourra se servir pour s'aider elle-même, là, mais on ne peut pas donner de réponses immédiatement qui vont l'aider, si on veut être honnête. On peut évidemment faire semblant, donner des explications, puis dans 6 mois, on dira, t'as pas compris ce qu'on te dit, voici maintenant ce qu'il faut, tu sais, ou dire, attends 6 mois. Une chose qui est évidente, c'est que la personne, elle doit, et ça, c'est une chose qui se dit facilement, qui se fait assez bien, on doit chez soi cultiver le côté blanc et on ne doit pas chez soi lutter contre le côté noir. Ne pas lutter contre le côté noir ne veut pas dire qu'on le laisse agir. Ça veut dire qu'on le supplante par le côté blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, par exemple, a une idée noire. On va dire qu'elle voudrait faire, elle voudrait voler dans un magasin. Et Elle se fait hanter. Elle est rendue kleptomane. Elle a besoin de voler. Ça va mal. Elle rêve à ça. Elle a le goût, elle a le goût, elle a le goût, elle a le goût. Elle peut lutter contre. Vous allez perdre vos énergies. Et lutter contre une chose qui est négative ou qui est noire ne vous blanchira pas. Donc, vous ne vous conscientisez pas. Vous ne vivez pas d'ascension en luttant contre le noir. Au lieu de cela, on doit travailler simplement pour cultiver chez soi ce qui est blanc. Alors, la personne, elle a le goût de voler, et puis elle va cultiver chez elle dans la vie, ça devient donc une initiation. Elle va se privilégier dans sa conscience, dans ses rêves, dans sa pensée. Donc, elle devra quand même travailler, mais pas pour travailler contre ce qui est noir. Elle devra privilégier ce qui est bien chez elle. Le blanc va finir par prendre suffisamment d'ampleur qu'il va finir par enterrer ce qui est noir. Le noir est toujours là. Vous ne l'aurez pas réglé, vous devrez l'expulser à un moment donné, mais c'est une autre chose. Sauf que progressivement, la personne va finir par cesser d'être manipulée par des mécaniques noires qui vont toujours l'habiter, et elle va parvenir à être drôlement plus blanche. Les mécaniques noires vont quand même le manipuler de façon plus subtile. Mais qui dit plus subtil dit nécessairement plus dur à trouver, mais dit aussi très faible dans l'expression. Alors, elle ne volera plus. Peut-être qu'à un moment donné, elle va se refuser, elle aussi, de gagner la loterie ou d'avoir de l'argent. C'est la mécanique noire qui la vole. Bon, mais déjà là, sa vie va être déjà meilleure au niveau de sa conscience. Par la suite, elle pourra commencer à faire un travail d'introspection pour commencer à fouiller, et un jour, elle arrivera à différentes prises d'initiation solaire, pour arriver à l'initiation solaire où elle va rejeter son antium. Présentement, ce que la personne doit faire, simplement, c'est de développer ce qui est belge, ce qui est correct chez elle. La majorité des humains ne s'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de privilégier ce qu'ils veulent rejeter. « Ah, moi, je suis trop colérique. Ah, moi, je suis trop ci. Ah, moi, je suis trop ça. Ah, moi, je mange trop. Ah, moi, je suis trop grosse. Ah, moi, je suis trop gros. Ah, moi, je suis trop épais. Moi, je suis trop ci, trop ça, trop ça. » Une personne qui ne se dit rien de tout ça, c'est facile. Venez parler en avant. Elle peut pas. Voilà. Un trop ci, un trop ça, un trop ça, mais elle ne se le disait pas clairement. Elle est quand même trop plein de choses. Bon. Alors, à un moment donné, ce que la personne doit faire, c'est qu'elle doit fouiller chez elle, se rendre compte, oui, mais tout le temps, le crime, je suis... Effectivement, je suis une bonne personne. J'ai des qualités. Pas elle se le dit, il faut qu'elle les découvre. Puis après ça, ben, quand elle va sortir dehors, là, que ce soit elle et ses qualités qui sortent, et non pas elle et ses maudits défauts. Les défauts restent là. Mais la personne va de pouvoir commencer à être capable de conserver de l'énergie vers elle. On appelle cela s'aimer un peu plus soi-même. Pas énormément, à cause qu'elle a eu trop de conneries, de défauts, on va dire. Mais elle va être capable maintenant de retourner de l'énergie vers elle-même, ce qui va être déjà mieux. J'ai vérifié plus de 100 personnes ces derniers temps. Il n'y a pas une seule qui s'aime. Pas une. Ah, oh, il y en a qui s'aiment bien gros, ils ont des gros muscles, puis ils s'entretiennent, puis ils s'aiment, ça regarder, puis ils s'aiment. Là, tu te poses la question, là, pense à toi. Puis là, tu pèses un bouton pour vérifier, là, puis pourri. Il passe sa vie à essayer de se convaincre qu'il est correct. Il ne s'aime pas, justement. Il passe son temps à s'arniper, il ne s'aime pas. J'en connais pas, c'est ce qui va arriver ici. La personne doit commencer à laisser apparaître un peu plus ce qui est correct chez elle, puis ça, le voir. Pas se dire, oh non, je peux y aller, je suis une bonne personne, je suis capable de donner de l'argent aux pauvres. C'est pas ça. C'est pas une évolution pharisienne qu'il faut faire. La personne, elle doit simplement savoir que de temps en temps, elle a effectivement des qualités, des bons côtés. Je ne parle pas de qualité ou défaut du point de vue de la morale. Je parle de qualité et défaut du point de vue de ce que vous vivez. Alors, quelque chose que vous n'aimez pas, là, bien, centrez-vous pas là-dessus, focussez pas dessus. Il y a d'autres parties chez vous qui sont géniales. Dernièrement, je disais à une personne qui ne s'aime pas du tout, « Penses-tu que moi, je suis un cave? » Elle dit non. « Penses-tu que toi, tu es un cave? » Elle dit non, chanceux. « Penses-tu qu'un autre, un autre, un autre? » Non. « Puis toi, tu t'aimes pas? » Non. Comment ça se fait que nous autres, la gang qui sommes pas caves, on t'aime s'il n'y a rien chez toi d'aimable? Dans votre affaire, chez toi, ils sont corrects. Pour que moi, lui, pis un autre, on t'aime, il doit avoir de quoi de correct. Bien, il serait temps que tu commences à les trouver. Parce que si on t'aime, c'est parce que c'est correct. Il y a plein de conneries, on peut t'en parler de tes maudits défauts, mais si on reste avec toi, si on reste ensemble, parce qu'il y a bien des bons côtés. Mais c'est la même chose. Il y en a du monde qui vous aime en masse. Et vous continuez toujours à essayer de faire en sorte qu'il vous aime encore. Hein? Bon, alors, vous êtes suffisamment aimé. Il y a donc des points chez vous qui sont très aimables. Ça, il faut les retrouver, puis il faut les développer. Puis quand je parle de développer, c'est de les apprécier. Uniquement ça. Trouvez chez vous ce qui est aimable, appréciez-le, sachez vous apprécier. Le reste, ça va finir par s'enterrer. Il ne sera pas réglé. Mais vous allez commencer à être un peu plus honnête envers vous-même, plus juste, plus heureuse. L'évolution, ça doit se faire avec un sourire. Alors vous allez être de mieux en mieux, toujours avec vos maudits défauts. Oui. Mais quand on commence à conserver de l'énergie vers soi, on a en masse d'énergie après ça pour créer la négoïsation. La négoïsation, c'est pas lutter contre ses défauts. C'est rejeter des principes, des particularités, c'est reformer des échafauds, reformer des pattes qui sont cassées pour en faire quelque chose qui va nous être utile. Puis à un moment donné, il y a une partie qui ne voudra pas être reformée, c'est l'antium, il va fuir. Alors c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a personne sur la planète Terre qui n'est pas aimé par quelque chose. Votre oiseau vous aime. Oh, mais c'est un oiseau, ça. Ouais. Mais il y a du monde que l'oiseau n'aimera jamais. Il n'est pas en harmonie avec. Mais il y a quelque chose chez vous qui est suffisamment beau pour qu'il vous aime. Le chien, le chat, il y a toujours un ami, un voisin. Même celui qui est tout seul dans son coin. Oh, personne m'aime. Écoute, t'as mis tout le monde dehors, même ceux qui t'aimaient, tu sais. C'est pas que personne t'aime. Va te promener un peu, là, puis parle avec du monde. C'est évident, tu recommences à faire des amis. Il y en a qui vont t'aimer. Ceux-là vibrent avec des parties chez toi qui sont convenables. Tout le monde ne voit pas les mêmes parties, mais il y en a. La personne, il faut qu'elle s'aime. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui aurait des pouvoirs venant des forces involutives noires se convertisse aux forces évolutives blanches, abandonnant ainsi à travers le temps presque tous ses pouvoirs? Les pouvoirs que l'on possède, blanc ou noir, ne se transmettent-ils pas génétiquement? Bon, c'est une question qui piège et qui est dangereuse. Dans la majorité des cas, la question elle est posée par une force qui est noire. Dans la majorité des cas, une personne qui a toujours, je dis bien dans la majorité des cas, une personne qui a toujours été assujettie à des forces noires au niveau de l'occulte, qui à un moment donné se convertit aux forces blanches, là je vois déjà des égouts médiocres qui attendent, qui sont tout fiers de pouvoir se planter après. Normalement, une entité, une personne qui est investie de pouvoir noir, qui se convertit au côté blanc, est normalement missionnée par le côté noir pour venir détruire dans le côté blanc. Il y a les égaux qui sont fiers. Ils sont confirmés. C'est ça. Ils sont confirmés. Dans l'erreur. Dans l'erreur. Ils sont confirmés qu'ils sont médiocres et patati, patata. Oh, eux, ils savaient aussi. Je sais pas si ils peuvent bon. De temps en temps, il arrive ceci, que les personnes qui ont travaillé dans le côté noir depuis longtemps finissent, à travers les schémas réincarnationnels, par retrouver des individus contre lesquels elles ont travaillé. Et à travers le temps, l'animosité qui les habitait finit par être dissous. Écoute, ça fait 35 000 ans là, qu'on se connaît, puis qu'on s'engueule à chaque vie. C'est peut-être temps qu'on arrête. Et là, il y a des personnes qui vont partir du côté noir, puis qui vont totalement se transformer du côté blanc. Donc, il y a des personnes qui font ça. Moi, j'en ai connu que de vie en vie, c'était sans arrêt toujours des problèmes. Puis cette vie-ci, ça semble vouloir s'arranger. On verra. Qu'est-ce que tu perçois chez l'humain si ce n'est plus la vibration de son ajusteur de pensée? Est-ce sa pureté, sa bonté, sa douceur, sa beauté? Puis une autre question, voilà. C'est tout ça, plus son ajusteur de pensée, plus son intelligence. Plus tout ce qui l'empêche d'avancer. Il y a des personnes, des fois, là, quand je les regarde, il faut me fermer un œil. Parce que je vois tellement d'affaires pas correctes. D'habitude, quand il me parle, il se ferme les deux yeux. Par quelle mécanique perçois-tu ainsi? Est-ce le fait que tu sois entré en contact avec le plan bouddhique? Bien, ça, c'est évident, mais c'est pas tellement ça. En réalité, c'est simplement parce que je m'autorise de plus en plus à être ce que je dois être. Uniquement. Avec les jeunes, avec les enfants, j'ai pas mal toujours été moi-même. puis ils me l'ont toujours remis convenablement si j'ai jamais eu de problème. Avec les adultes, c'est toujours plus compliqué parce que les adultes vivent des compétitions, vivent un paquet de choses. Maintenant, je suis beaucoup plus prêt à laisser être ce que je suis. Pourquoi? Parce que les personnes qui peuvent être problématiques vont se problématiser eux-mêmes avant de me toucher. Il y a eu un temps où j'aurais été moi-même et je me serais fait totalement siphonner de l'énergie que j'avais par tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la capacité d'être de plus en plus moi-même, c'est pas fini. Et une personne qui voudrait me têter, elle serait tellement inhibée qu'elle pourrait pas bouger. Mais elle n'en souffrirait pas. Et j'aurais pas besoin de la planter là, pour qu'elle bouge pas. C'est plus agréable. C'est agréable pour moi, c'est agréable pour l'autre. Alors c'est mieux. Le Dieu extérieur existe-t-il vraiment, ou est-ce seulement la résonance de son Dieu intérieur? C'est exactement ce que c'est, mais en même temps, on doit bien comprendre que la résonance interne de tout ce qui existe dans la création est le Dieu extérieur. Mais le Dieu extérieur n'existe pas s'il n'y a pas une résonance interne chez quelqu'un. L'intelligence prémentale ne vaut absolument rien si elle n'est pas si elle ne traverse pas un être humain. Pour une divinité cosmique, c'est la même chose. Ça existe si ça existe chez vous, et ça n'existe pas si ça n'existe pas chez vous. Et c'est un paradoxe de la conscientisation. Ça n'existe pas parce qu'on le crée. L'énergie, elle existe toujours, mais elle n'existe pas. Donc, si ça vibre chez l'humain, ça vibre automatiquement partout à l'extérieur. Et c'est ce qui va faire en sorte que tout ce qui est ascendant va, à un moment donné, avoir tendance à rejoindre tout ce qui est descendant. Est-ce que, parlant d'ascension, plus on grimpe en énergie, plus le Dieu intérieur s'expand? Fais attention. Plus on grimpe en énergie, plus on va aller chercher l'information supramentale nous permettant d'expandre, de rayonner. La problématique, c'est qu'à un moment donné, on doit cesser de grimper en énergie pour maintenant fusionner les différents plans inférieurs, pour que chacun des plans puisse bénéficier du grimpage en énergie. Alors, à un moment donné, on réchauffe le mental, on réchauffe le plan supramental, on touche un peu au plan bouddhique, puis maintenant, il est le temps que le plan bouddhique et supramental puisse servir le plan mental, vital, astral et physique. Parce que sans ça, ça ne va pas. C'est pas uniquement la tête de l'homme qui doit rentrer en contact avec des énergies supérieures, c'est la globalité humaine. La quête du Graal est-elle synonyme de la quête de son Dieu intérieur, du « Je suis » ? La quête du Graal est synonyme de beaucoup d'autres choses, dont ça. Mais le Graal, bon, au niveau du concept, c'est exactement ce que la personne dit. Sauf que dans l'énergie, dans ce qui a été créé énergétiquement, à travers toutes les quêtes du Dieu interne, du Graal interne, le Graal, c'est originalement de l'énergie christique, souvent visualisée sous forme d'un cristal. Le Graal, c'est le sang du Christ qui a coulé dans une coupe que Joseph d'Arimathie a portée quand Longinus a percé avec sa lance le corps du Nazaréen. La lance qui touche le sang devient un Graal. Celui qui la possède peut faire ce qu'il veut. La coupe qui a récupéré le sang est un Graal. Et c'est évident que ça reste toujours une symbolique de ce qui vient de l'intérieur. Donc, au niveau du Nazaréen, bien, le sang qui est sorti a pu christifier certains objets. Mais le Graal, aujourd'hui, peut être symboliquement le Dieu intérieur. Le Graal, aujourd'hui, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce que c'est un réservoir d'énergie qui se trouve au Québec, et qui, à un moment donné, libéré, peut permettre l'ascension d'un groupe d'individus, d'un très grand groupe d'individus, beaucoup plus rapidement. Alors ça, on va revenir là-dessus à un moment donné. C'est donc pas uniquement un concept. Est-ce qu'on aura besoin de notre passeport canadien pour ça? Je sais même pas s'il va avoir encore un passeport canadien. C'est pour ça que je pose la question. Tu as bien répondu à la question que j'avais vraiment envie de poser. Les drogues procurent une énergie. Est-ce que ça use l'énergie mentale? Est-ce que c'est une énergie mentale ou égoïque? Bon, les drogues ne procurent pas d'énergie. Les drogues, ce qu'elles font, c'est qu'elles viennent chez vous faire un travail que normalement vous devriez faire, et elles viennent tripoter des parties du corps physique ou du corps vital, puis elles viennent libérer des énergies qui nous habitent déjà. La problématique, c'est que la drogue, pour libérer l'énergie, va normalement en user énormément. Comme il y a beaucoup de personnes qui mangent du sucre, et habituellement, le corps physique doit dépenser plus d'énergie pour digérer le sucre que ce que le sucre peut amener. Alors, si on regarde certaines drogues fortes, on a parlé un peu à un moment donné, ces drogues-là, qu'est-ce qu'elles font? Bien, ces drogues-là, elles viennent obliger le corps physique à sécréter des hormones naturelles, comme l'endorphine, qui est une drogue extraordinairement dangereuse et puissante, mais qui, lorsqu'elle est sécrétée par le cerveau, entre autres, crée l'euphorie, crée la joie. Quand on est heureux, on est drogué. Quand on s'amuse et qu'on est heureux, le cerveau a sécrété des endorphines. Alors, quand on prend, par exemple, de la morphine, de l'héroïne, disons qu'on prend de l'héroïne puis qu'on s'en met dans le corps, l'héroïne va obliger le cerveau à sécréter des endorphines. L'héroïne ne rend pas heureux, mais elle va obliger le cerveau à agir comme s'il l'était, et là, on est absolument heureux. Quand les endorphines finissent par s'en aller, l'héroïne reste là. Ne pouvant plus sécréter d'endorphines, c'est le retour. Ça use le corps physique, ça use le corps vital, ça attaque le corps astral, puis ça détruit l'humain. Quelle que soit la drogue, du café, aller jusqu'aux drogues extrêmement fortes, le chocolat, entre autres, contient beaucoup de caféine, le coke aussi d'ailleurs, avant c'était de la cocaïne, maintenant c'est du café. N'importe quelle des drogues, ça donne l'illusion. Pourquoi? Parce que ça stimule. On pourrait vous donner le même résultat avec un traitement d'acupuncture, soit par laser, soit simplement avec un doigt d'énergie vitale où on va aller percer, donc stimuler des points de votre corps vital et de votre corps physique au niveau acupuncture, pour obliger le corps à sécréter des choses. Sauf que normalement, dans l'évolution, dans la conscientisation, le système endocrinien agit à un moment donné totalement en correspondance, en harmonie avec ce qu'on est, puis on aura l'énergie qu'il nous faut pour vivre des choses sans problématique. Les drogues ne donnent pas d'énergie, elles nous font croire qu'elles nous amènent de l'énergie, elles en prennent 25%, puis elles nous en laissent 10%. Plus on approche d'une pureté de conscience, plus on est drogué, entre guillemets, c'est-à-dire en comparaison avec... C'est-à-dire que plus on approche de la conscientisation, plus on ressemble, on vit l'état que le drogué recherche. À temps plein, sans oui. Sans c'est sûr que lui va dire, ben voyons donc, Daniel, t'es pas drogué présentement. Non. L'euphorie que je vais vivre est souvent égale à l'euphorie que lui vit. Sauf que lui, quand il vit cette euphorie-là, tout le reste de son corps est barré. Moi, quand je vis mon euphorie, je suis toujours là. Il y a des personnes, à un moment donné, qui étaient fascinées par lorsque je faisais des conférences, par ma parole, parce qu'ils avaient écouté des cassettes, et ils étaient sûrs que j'étais en transe lorsque je parlais, à cause du débit, à cause de la puissance, à cause de tout ce que j'amenais. Et là, subitement, ben non, le bonhomme est en avance, il peut arrêter de boire de l'eau, il se gratte le nez, il pousse une farce, puis il continue à jaser. Bon, la personne qui se met en transe a une technique pour dégager chez elle des mécaniques qui vont l'amener à dire des choses. La personne qui se drogue va avoir un visuel, des idées, une créativité particulière. Alors que la personne qui se conscientise sent tout ça au complet, elle a exactement la même chose. Mais du point de vue du visuel, j'ai pas l'air d'un drogué ou d'une personne en transe, sauf que j'ai la même résonance qu'une personne qui va être en transe, puis j'ai le même bonheur qu'une personne qui va être droguée. Puis si le feu prend, je peux m'en aller. Lui va rester là. Est-ce que l'ouverture... Je trouve que les formes sont géniales. Ah, c'est mieux d'être en transparence qu'en transe. Exact. Est-ce que l'ouverture de c'est quoi tu voulais dire? Rien. Est-ce que l'ouverture de l'électrification des chakras précède le contact avec le Père? Le Père est-il le double de lumière? Non, le Père n'est pas le double de lumière, donc le double éthérique. Ce n'est pas ça. C'est sûr qu'on peut rencontrer, à un moment donné, une partie du double en création et penser que c'est un père. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des hiérarchies au niveau des divinités, donc ça ne dérange pas. Ce n'est pas le père que j'ai rencontré qui, finalement, va engendrer des doubles éthériques. Bon, l'ouverture et l'électrification des chakras précède-t-il le contact avec le père? Comprenez une chose, il n'y a rien qui précède le contact. Si tout l'événementiel fait qu'on est prêt, c'est fait. Puis c'est pas fait jamais, pas encore. De dire à quelqu'un, oui, effectivement, se rencontrer le père, faut que tu restes par le nez trois fois avant. Faut que tous tes chakras soient ouverts. Faut que tu aies fait le PMC. Hein? Tout ça, c'est pas vrai. Le 1, le 2, le 3, le 4. Ah, le feu, je trouve un fait. Ce n'est pas vrai. Vous devez être dans un état totalement transparent, spontané, donc non préparé. C'est évident que les chakras vont totalement être électrifiés. Mais l'individu qui travaille sur l'électrification de ses chakras dans le but de rencontrer le Père, elle vient de se mettre une limite. On travaille sur certaines choses parce qu'à un moment donné, il faut renforcer et réorchestrer le corps physique, le corps vital aussi, au niveau du chakra. Mais ça n'empêchera pas qu'un jour, en vous promenant quelque part, subitement, l'événementiel va faire que vous allez totalement en état d'être en contact et vous aurez le contact. Puis une heure après, le contact est fini, puis vous savez que vos chakras sont redevenus ce qu'ils étaient et vous devez continuer à faire le travail. Ça se fait quand l'humain, subitement, est fin prêt. Et après, il reste encore un travail de purification à faire. Le Nazaréen, Jésus avait contact avec son Père sans arrêt, mais ça ne l'empêchait pas de continuer à apprendre, puis à attendre, d'avoir le baptiste pour se faire confirmer, puis etc. Le contact se fait entre ce qui sera de plus haut chez vous et de plus bas chez lui. Mais le reste du corps, puis les corps qui sont là, etc., c'est ce qui nuit, pas le corps physique, ce qui habite l'âme, l'ego, continue à nuire, donc on doit continuer à le travailler. Mais ça n'empêchera pas d'avoir un contact. Il y a des criminels en prison qui ont tué, qui ont fait un paquet de saloperies, qui, à un moment donné, ils l'ont le contact. Alors, c'est pas, il n'y a pas de prérequis. À part la reproduction, pourquoi la femme est-elle différente de l'homme? Oh, pour un paquet de raisons. Ça a permis l'invention du maquillage. Mais tu sais que l'homme se maquillait bien avant la femme. Après ça, ça a été transposé. Oui. La femme se maquillait, mais les perruques, c'était pour les hommes au départ. Fais pas ça, quand tu fais les hommes, tu devrais faire ça. J'en ai encore, moi, déjà. Ouais, je sais, t'en as encore. Moi, je parle de perruques, justement. OK. Le maquillage est inventé par l'homme pour l'homme, mais il n'empêche que c'est amusant. Je dis que c'est la femme. Bon. La femme, elle sert à comme l'homme, à tellement de choses. On a une prochaine conférence. Oui, c'est ce que j'allais penser, le contenu, là, comme ça. C'est lui qui le dit, là, c'est moi qui le dis. Où je parlais justement de l'importance de la femme dans le contact. Alors, on va revenir là-dessus. En attendant, si ça vous intéresse, j'ai quand même donné deux conférences sur la psychologie de la femme nouvelle. Il y a beaucoup de raisons pourquoi il y a des enfants, pourquoi il y a des mâles et pourquoi il y a des femelles. Il y a beaucoup de raisons énergétiques et on doit apprendre à se servir de la femme, de l'homme et de l'enfant. Et on va revenir sur la femme. Peut-être par la suite, on pourra parler à un moment donné dans une autre conférence de l'homme ou de l'enfant. Mais on va revenir sur la question. Mais c'est pas uniquement... Il y a la reproduction, mais ce n'est pas uniquement ça. Parce que les enfants, les petits d'hommes et de femmes ont des caractéristiques très, très, très particulières qui n'est pas reliée à la reproduction. C'est sûr qu'au niveau du corps physique, c'est un garçon ou une fille, parce qu'on les prépare à plus tard. Il y a bien d'autres choses qui vont faire en sorte que l'adulte devra plier devant. En tout cas, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de raisons. Et pour l'homme, et pour la femme, et pour l'enfant. On va revenir pour la femme, peut-être d'ailleurs pour les trois, parce que des fois, on parle beaucoup. Tu parles beaucoup. Oh, ben... Pourquoi y a-t-il l'homme ancien? Mais l'homme ancien, c'est un concept comme l'homme nouveau. L'homme ancien, c'est celui qui reste assujetti aux traditions, aux rituels, puis au passé. C'est celui qui se fie uniquement à ce qu'il a appris. C'est celui qui se fie uniquement à ce que l'humanité a déjà fait. C'est celui qui va se fier à des prophètes qui ont parlé, il y a 30 000 ans, de certaines choses, alors que ces prophètes-là, finalement, quand ils l'ont dit, se fient à eux autres. L'homme nouveau, c'est celui qui, maintenant, peut se fier à lui-même. C'est celui qui ne se fiera pas aux traditions. C'est celui qui ne pourra pas être assujetti aux traditions. Alors, pourquoi y a-t-il l'homme ancien? C'est absolument essentiel, parce que tant que l'humain n'avait pas l'intelligence, il fallait absolument qu'il garde la mémoire de la tradition, parce que la tradition, c'est un supplément à l'intelligence, c'est l'expérience. Alors, si on n'a pas suffisamment d'intelligence instantanée pour nous permettre d'agir efficacement dans le monde actuel, bien, c'est essentiel qu'on conserve au minimum la mémoire de ce qu'on a fait, les essais et erreurs du passé, donc de l'expérience. L'homme ancien, la femme ancienne, l'enfant ancien, c'est des individus qui, présentement, n'ont pas encore suffisamment réveillé chez eux leur potentiel de contact avec l'énergie christique, donc l'intelligence active, l'Esprit Saint, leur supramental, c'est la même chose. Alors que l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, c'est des individus qui ont commencé ou qui développent simplement ce potentiel-là. Les humains, entre ça, sont les mêmes. Sauf qu'il y en a un qui va refuser le neuf. Et des personnes qui vont refuser... La plus grande farce, c'est quand j'avais fait une conférence sur la cosmogonie durancière, j'en ai déjà parlé à un moment donné. J'ai commencé ma conférence en disant que je n'avais pas lu le livre, mais que je vais faire une conférence sur le sujet. Et là, il y a un paquet de personnes frustrées qui commençaient à dire « Ah, ça chignait. » Là, je leur ai dit « Écoutez, le gars qui a écrit la cosmogonie, il ne l'avait pas lu avant, il l'a écrit. Moi, je ne l'ai pas lu, je vais en parler. C'est quoi la différence? » Bon. Alors, l'homme ancien va se fier, lui, ça a été écrit il y a tant d'années, puis il va se fier au fait que les gens vont la supporter. Mais le gars qui l'a écrit, c'était un gars exactement comme moi, qui partait du neuf, puis qui écrivait plein d'affaires. Si lui a pu écrire sans l'avoir lu, je peux en parler sans l'avoir lu. Bon, ça a placé un peu les choses dans la salle, mais encore quelques personnes qui ne faut pas le saisir. Qu'on parle d'être ancien, c'est ça, comme ça. Comment doit-on réagir devant une série d'événements désagréables sur lesquels nous ne semblons n'avoir aucun contrôle? Bien, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si vous n'avez pas de contrôle, de toute façon, lui-même manipulé. Alors, tant qu'il n'y a pas de contrôle, bien, au moins contrôlez comment vous réagissez, c'est-à-dire souriez, amusez-vous, puis essayez de vous en sortir. Mais ça ne sert absolument à rien d'être là en criant, puis en chignant, puis etc. J'ai pas le temps, ça fait 4 ans que j'en parle, comment on fait. Alors, écoutez mes 350 questions. Est-ce que vous allez avoir un autre problème? Vous aurez pu le premier. On va en parler souvent à travers les conférences, mais sans répondre directement, c'est uniquement de ça qu'on parle. Mais en attendant, c'est évident que vous n'avez pas le choix. Fait que au moins démerdez-vous pour vous amuser un peu à l'intérieur. Comment changer un problème en 350 nouveaux problèmes? Le Nazaréen avait un cercle d'énergie autour de lui, mais pourquoi ne s'en est-il pas servi? Pourquoi ne s'est-il pas servi de cela pour contacter son père? Parce que le Nazaréen avait certaines limitations, lui aussi, à l'époque. En l'occurrence, la limitation que moi j'ai toujours encore, puis qui va rester sur la planète encore bien longtemps, c'est qu'on ne peut pas rendre intelligent quelqu'un à coups de pied aux fesses. Donc, ça ne sert à rien de manipuler les masses. Les gens doivent finir par être intelligents. Intelligent veut dire capable de voir d'eux-mêmes par leurs propres yeux, être capable de faire des synthèses à partir de l'esthétisme, de la logique, de l'écologie. Alors, on peut instruire la personne de ne plus jeter ses papiers dehors, mais elle va continuer, par exemple, à fumer, elle va continuer à se laver avec des savons qui sont dangereux pour l'écosystème, parce qu'elle n'a pas compris le principe du papier. Alors, on peut instruire les gens à certaines choses. Développer l'intelligence, ça va au-delà de l'écologie uniquement planétaire, mais ça va au-delà de toutes ces choses-là. Et ça, l'humain le fait par lui-même. Le Nazaréen, à l'époque, il y avait effectivement un cercle d'énergie. L'énergie qu'il avait besoin, à un moment donné, était de l'énergie supramentale, de l'énergie reliée à l'Esprit-Saint. Et ça, il ne peut pas le motiver chez autrui. Alors, il a pris 3 de ses meilleurs disciples, les apôtres, et il les a mis là, puis il leur a dit, écoutez, restez réveillés. Eux devaient voir, devaient comprendre. Il aurait pu les motiver, mais s'arrêter uniquement astralisé. Il aurait dormi quand même. Ou ils seraient restés réveillés en jouant aux cartes. Mais c'est pas ça l'idée. À l'époque, ils jouaient aux osselets, mais bon. Ça n'aurait rien donné de plus. Alors, le Nazaréen ne pouvait pas le faire. On ne peut pas forcer quelqu'un à être intelligent. Est-ce que la rencontre à un moment donné de 2 individus de même niveau de conscientisation oblige un changement de rôle d'un des deux? Exemple, l'un devient le gardien de la progression de l'autre. Ça peut se faire souvent, pas nécessairement, mais ça change normalement, disons sûr, ça va changer le rôle apparent de l'un des deux. As-tu bonne semaine, on s'amuse, la semaine prochaine, on va peut-être se retrouver. La prochaine, le titre de la conférence, c'est ma première rencontre avec moi-même. C'est pas la mienne, c'est la sienne.